Mais, toute gaudriole ayant un prix, la majorité des mécaniciens étaient venus à ce métier pour faire des sous, menant une vie quasiment exemplaire, tout en observant, sans pudeur, les manigances des plus extravertis en la matière. On aurait pu croire que certains de ces insatiables n'avaient pas eu de jeunesse, s'évertuant à se rattraper allègrement et sans compter dans des aventures sans lendemain. Certains émoustillés s'étaient spécialisés dans l'outrance irraisonnée de la rombière. D'autres en bavaient pour les pseudo-femmes d'affaires. Et les derniers, sans le dire, par manque d'ambition ou par désillusion, prenaient tout et n'importe quoi, souvent de belles pétasses pour litière. Toutes ces gentes dames avaient, disaient-ils, des situations mirobolantes ou vivaient avantageusement de leur rente. Aucune ne percevait le RMI, ni n'avait de gros problèmes dans la vie. En tout cas, sachant qu'ils auraient brisé le charme, ils ne nous l'avaient jamais dit. Il y avait aussi le club des gentils polissons, qui jouissaient dans les emmerdements récurrents, jonglant malhabilement entre deux foyers virtuels. Ce qu'on ne voyait jamais entre les fins et les reprises de service, les plus stables dans une étonnante instabilité, source d'incompréhension dans le métier. Marcel Colpi, dit le Colpi, faisait partie du lot de ces derniers braves types, toujours fringants, fidèles à leur maîtresse, bons comme le pain à la maison, mais délibérément hypocrites vis-à-vis de leurs épouses, le plus souvent sans raison.